Le comité de souvenirs de son Excellence Kim Jong-il est constitué au Bangladesh. Le comité a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles comme rendez-vous de souvenirs, séminaires sur ses exploits et séances de films à l'éloge de sa vie sacrée et visionnaire et de ses exploits immortels à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.